Vous êtes à CIF. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Samuel Girardeau enseignera sur l'actualité québécoise et canadienne dans sa chronique hebdomadaire. Et on apprendra des choses un peu moins pertinentes dans la chronique éducative, c'est un fait. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce lundi 29 février 2016, 57 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania. Hey, bon matin. Bon matin verglaçant. Très verglaçant. Hein? C'est ma faute, là, j'ai annoncé Samuel Girard, je sais qu'il est pas là. Il me l'a dit deux fois, c'est un des seuls qui a pris la peine de répondre à mon message sur, sur la page de l'équipe pour dire qu'il était pas là. Et puis je l'ai quand même annoncé, c'est ma faute. Hein? C'est pas bien grave. C'est lundi, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va avoir plein de chroniques que toi et moi, en fait. Parce que Christine Perra n'est pas là non plus. Bon. Donc on va parler de C'est un fait. On va aussi avoir ta chronique à toi, Tania. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien en fait, je vais vous parler de quelques artistes québécois qu'on connaît peut-être moins, mais qu'on devrait entendre beaucoup plus parlé durant l'année 2016, du moins à cause de leur talent. Mm-hmm. Donc, ils devraient peut-être faire une plus grande entrée sur la scène musicale. C'est comme un devin. Oh, peut-être. T'es un devin. Un devin. Ah, c'est l'émission d'aujourd'hui. On va avoir plein d'autres choses à faire autour de ça. On va meubler le 2 heures ensemble, juste toi et moi, parce que c'est comme ça que ça se passe. Mm-hmm. Commençons en musique, parce qu'on a du temps en masse, avec Rouge Pompier. Et peut-être que vous allez être en retard un petit peu à cause de ça, mais pourtant, je trouve que ça a bien été ce matin. C'est Autobus. Oh, oh, oh. Ça, c'est fou. 89 FM. Yeah. Sauvage pompier! La pièce autobus. Je pense que Tania voulait nous réveiller ce matin. Oui, oui, juste un petit peu. C'est surtout parce que j'étais un petit peu fâchée face à Mère Nature. Moi, t'es un peu down pour bien des raisons ici. C'est ça. C'est ça. Bref. Donc, On va essayer de vous remonter ça un petit peu, remonter votre quotient intellectuel. Voici la chronique C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Toutes les sources sont sur assemblagerequis.com. Et on va commencer avec quelque chose qui a rapport avec la journée d'aujourd'hui. On est le 29 février en direct en ce lundi matin, 7h41. Et il y a des parents qui s'empêchent d'avoir des enfants pour pouvoir les avoir le 29 février pour être originaux. Ah! Oui. Ah. Donc maintenant, avec l'arrivée de leur fille Jade, le 29 février 2012 à la Utah Valley Regional Medical Center, Louise et David Estes ont complété donc une autre grossesse. Jade, était leur troisième enfant à naître lors d'une journée bissextile. Évidemment, la journée qui corrige l'anomalie du calendrier. Ça arrive à chaque 4 ans pour compenser pour les 6 heures additionnelles que ça prend à la Terre à faire une orbite autour du Soleil à chaque 365 jours. Bon, on se comprend, hein? Tabourouette. Les deux frères de Jade, donc Xavier et Reddington, sont nés en 2004 et en 2008 respectivement. Les Estes ont dit au Daily Herald que même si Xavier et Reddington sont arrivés le 29 février par hasard total, la naissance de Jade a été planifiée pour que le trio puisse partager l'exclusivité de cette fête. Et ça fait deux, à la place des siblings, comme frères et sœurs, on les appelle des leaplings, parce qu'ils sont nés lors d'une journée bissextile. Ouais. Ils se sont dit que ça allait être cool d'avoir trois enfants qui allaient pouvoir faire une super grosse célébration à chaque 4 ans. Hein? Mais malgré la planification, une date du 24 février s'est matérialisée et Louise était en retard de 5 jours jusqu'à ce qu'elle soit prête à finalement accoucher le 29. Étonnamment, les Estes ont seulement réussi à arriver à égalité avec le record pour le plus d'enfants nés lors d'une journée bissextile. En 1960, 64 et 68, Karen Henriksen de Norvège a livré 3 garçons. Donc elle s'est pris une case dans les livres des records Guinness. Encore plus incroyablement, même si c'est, apparemment ça ne vaut pas le record Guinness, mais Christine McDonald a réussi à donner naissance à un ensemble de jumeaux en 1956 et à un autre ensemble de jumeaux en 1960, les deux un 29 février. Bissextile. Ça, c'est la mise sur la page principale des journaux de Dublin. Ce genre de notoriété donc amène les parents à faire des choses assez bizarres. Même Hallmark ne fait pas de cartes pour les 29 février, nous dit-on. Mais non, c'est sûr. Lors de la journée bissextile en 1948, Mike Palm est né. Son frère Herb a suivi en 1952. Ils ont été incapables de confirmer que la... Attends un petit peu... Oui, c'est ça, OK. Donc, leur mère les a eu par césarienne, si je comprends bien. OK. Ouais, donc le Washington Post dit qu'elle a appelé les médias à chaque 4 années pour se vanter du fait que ses garçons étaient nés une journée bissextile. Et ça n'a jamais marché, c'est ça? C'est ça? J'ai de la misère à comprendre ce paragraphe-là, mais bref. Je sais pas. Il y en a plein d'autres, le bébé, qui sont nés le 29 février, puis le reste des détails m'importe très, très peu. Mais quand même, journée bissextile, c'est aujourd'hui le 29 février. Il y a déjà eu une 5e catégorie de cartes dans les cartes à jouer. Ah ouais. Ah ouais, donc on connaît bon les cœurs, les carreaux, ouais. Les piques, les trèfles. Mm-hmm. Il y a aussi eu une espèce d'aigle. Ah ouais. Ouais, c'était au Moyen Âge, donc on traitait les cartes à jouer comme des objets de sorcellerie. Et les Français, un petit peu plus raisonnables, ont amené donc les 4 sortes de cartes qu'on utilise toujours aujourd'hui. Mais on a presque changé ça. Il y a presque une 5e suite. À la fin des années 30, la United States Playing Card Company était une de plusieurs compagnies, qui ont présenté un paquet de 65 cartes. En plus des 4 catégories établies, le paquet contenait aussi un aigle. En Angleterre, les compagnies utilisaient souvent un symbole royal, donc une couronne qu'on montrait en bleu. Les cartes étaient vertes à la place d'être rouges ou noires et étaient supposées être utilisées dans les jeux de bridge. Donc, dans Hoyle's Modern Encyclopedia of Card Games, on fait une petite référence à cette catégorie-là dans l'index. Les collectionneurs qui ont reçu des paquets de cartes avec ça disaient qu'il y avait des instructions pour jouer à une version à 5 sortes du poker, où il y avait un 5 of a kind à la place d'avoir, pas à la place, mais en plus d'un 4 of a kind, etc., etc. Donc, c'est une possibilité de faire un 5 of a kind, des termes qu'on n'utilise plus maintenant, mais c'était quand même commun à l'époque. D'où venait cette notion-là? On mentionne des paquets de cartes avec plus que 4 sortes dans des rétrospectives de cartes à jouer. L'historien de cartes à jouer Andrew Ward, oui, ça existe, parle donc de l'idée de ce Five Sous Bridge à Walter Marseille, un psychologue viennois qui pensait que les cartes ajoutées allaient rendre le jeu plus complexe et intéressant. Les joueurs de Bridge étaient intrigués par la variation, c'est ça, on les a achetés immédiatement et c'était un défi pour tout le monde. Selon les médias de l'époque, la plupart des gens avaient assez de difficultés à jouer avec un jeu de 52 cartes, donc oubliez 65, le cerveau, ils trouvaient ça un petit peu trop compliqué. C'était populaire pendant un certain bout de temps en Europe, mais ça n'a jamais vraiment décollé après ça. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'aigle n'était plus nulle part et la contribution de M. Marseille était complètement oubliée. Mais allez voir des photos de ce paquet de cartes-là avec des cartes d'aigle sur assemblagerequis.com. Intéressant quand même. Oui, vraiment. Bon, on y va avec des faits un petit peu plus en rafale maintenant. Le Grandpa Gang, c'est un groupe d'hommes. Le plus vieux avait 76 ans. Ils ont fait le plus gros vol de banque de l'histoire anglaise. Après avoir descendu dans une cage d'ascenseur et d'avoir drillé dans le ciment, ils ont volé plus de 200 millions de dollars en argent et en bijoux. Le Grandpa Gang. Est-ce que ton grand-père ferait ça? Je pense pas, non. Les compagnies d'auto ont souvent un sens de l'humour, peut-être pas souvent, mais au moins des fois. Parfois. Et plusieurs vont utiliser le poisson d'avril pour montrer leur sens de l'humour, donc en voici quelques exemples. Comme blague du poisson d'avril, Audi a déjà passé une publicité pour une voiture avec une machine à faire cuire du riz au Japon. Ben oui. Il y a une photo sur le site aussi. Volkswagen a présenté son Extra Tiny Van en 2015, donc format minivan, mais coupé de la moitié, donc on avait seulement le devant avec deux portes et puis une valise en arrière, mais c'est une minivan coupée en deux si on veut. La marque allemande a proposé donc le Caddy Maxi Mini, une micro-van de 2,4 mètres de long avec un siège et seulement assez de place pour une boîte à outils ou la boîte à lunch du conducteur. Ensuite, la Hyundai i10 Pope Mobile 2009. La prémisse derrière cette spéciale Pope Mobile était que le chef de l'équipe de l'Église catholique voulait se promener en quelque chose d'un petit peu plus environnementalement correct que son VUS normal. Donc on a donné ça, on a fait un communiqué de presse avec un petit caractère qui disait tout le siège le cuir des sièges avait été remplacé par du tissu fait par des moines dans la ville indienne de Uttabalax. Ensuite, la Kiaki, enlevait le volant en 2008. Je les parle aujourd'hui. Hein. Donc, Kia disait que la voiture avait un contrôleur, une télécommande portative à la place du volant et des pédales. Donc, ça permettait à n'importe qui de conduire la voiture sur n'importe quel des quatre sièges de la voiture, même les enfants à l'arrière, avec littéralement une manette de Wii. Ah ouais? Pour les championnats de jeux vidéo. Ensuite, la Mini Cooper T en 2014 est capable de faire 40 000 sur une seule tasse de thé équipée d'une technologie qu'on appelle Dunk Avoidance Technology pour empêcher les gens de mettre un biscuit dans le compartiment à gaz pour siroter leur thé avec un biscuit. Donc la Cooper T, c'était une blague pour le poisson d'avril. Voilà, ensuite, 15 singes se sont échappés d'un centre de recherche sur les primates au Japon en utilisant les arbres comme catapultes pour passer par-dessus une clôture électrique de 5 mètres de haut. Et après ça, ils ont été ramenés à ce centre de recherche pour primates avec des arachides. Hein? C'est dommage drôle. Ils vont faire la même chose avec les grands-pères de tantôt. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Les tables de billard s'appellent des tables de poule. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que dans les années 1800, les hommes se rassemblaient ensemble, donc pool together, se rassembler, okay. Pour gager sur les courses de chevaux. Donc ces pools-là de gens, un peu des caucus si on veut, se passaient dans des salles spéciales qu'on appelait des pool rooms, où les propriétaires plaçaient des tables de billard pour passer le temps pendant que les gens gageaient sur les courses de chevaux. Donc pool rooms, des salles ou des pièces de rassemblement. C'est pour ça qu'on appelle ça du pool. Ah ouais. En 2014, un garçon de 5 ans a trouvé une exploitation sécuritaire pour passer par-dessus les restrictions de compte sur la Xbox One en appuyant sur la barre espace plusieurs fois. Donc, il a trouvé un bug. Il pouvait passer par-dessus les restrictions de compte en appuyant sur la barre espace. Pas pire, hein? Un général romain nommé Marcus Crassus. Marcus Crassus. On dirait le nom d'un personnage dans une bande dessinée. Vraiment, là. C'est Marcus Crassus. Comme le roi de ceux qui sont pas propres. Je sais pas. Donc, c'est lui qui a créé la première équipe de pompiers à Rome, avec une équipe de 500 hommes. Une fois arrivés à la scène, par contre, les pompiers ne faisaient rien jusqu'à ce que l'employeur bargaine pour le prix des services avec le propriétaire de la maison. Si Crassus n'arrivait pas à négocier un prix satisfaisant, ses hommes laissaient la structure brûler. Après ça, ils offraient de la racheter pour une fraction de sa valeur. Donc, tu sais, quand on dit que quelqu'un est crasse, d'après moi, ça vient peut-être de là. Mm-hmm. Je sais pas, mais Marcus Crassus, pas une personne très, très honnête. Un parc d'amusement mexicain offre de, en fait, offre une fausse, en fait, offre une vraie attraction, mais d'une fausse frontière Mexique-États-Unis. Okay. Avec des gens qui essaient de passer la frontière, des agents de patrouille à la frontière. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de dissuader les migrants de faire le voyage, de passer par cette, cette frontière-là. Pendant 3 heures, les touristes vont endurer des sirènes, se faire pourchasser, et les gens vont leur crier des menaces. C'est pour essayer de convaincre les gens de ne pas passer par la frontière américaine, mexicaine, illégalement. C'est agressif. C'est agressif pas mal. Marcus Crassus de s'occuper de ça. Chaque arc-en-ciel est un cercle, Tania. Ah ouais! Mais d'où on est, nous, on ne voit seulement que la moitié du haut, donc un demi-cercle. Les pilotes ont déjà remarqué des arcs-en-ciel complets par leur fenêtre d'avion, prouvant que si on va assez haut, on peut voir l'arc-en-ciel dans son entièreté. Hmm, ça va être cool. Mm-hmm. La maladie Medical Students Disease, c'est un diagnostic qui est commun chez les étudiants en médecine qui pensent qu'ils ont la maladie qu'ils étudient. Ça a du sens, un petit peu d'hypochondriac. Bref, la maladie de l'étudiant en médecine. Ensuite, les zoos vont garder les plumes qui tombent des oiseaux et vont les distribuer à des tribus amérindiennes pour leur cérémonie religieuse. OK. C'est intéressant, ça aussi. Oui, quand même. Pourquoi les jeter, ces belles petites plumes? Un homme a changé de nom parce que c'était plus facile, dans le fond, de mettre le même nom que son billet qu'il a eu d'imprimé pour une ligne aérienne. Okay. Ça aurait été moins cher de payer les frais d'administration de la ligne aérienne. Il a préféré, donc, ça aurait été plus cher, pardon, de payer le frais au complet. Donc, il a décidé de changer de nom. Ce qui coûte moins cher, il a pris le même nom que son billet d'avion. Hmm. Qui était imprimé sur son billet d'avion. Selon The Guardian, le gars a changé son nom pour... Attention, c'était donc Adam Armstrong à la base... 19 ans, son frère d'administration est de 220 livres. Après que le beau-père, c'est ça, beau-père de sa copine, non, beau-père de sa copine, ça ferait son père à lui. Donc son demi-père, si on veut, c'est le mari, de le chum sa de mère. Sa mère. Exactement. Elle a réservé un siège pour Ibiza avec le budget de la ligne aérienne sur le nom de famille de West à la place de Armstrong. Donc j'imagine que c'est son propre nom à lui, Monsieur West. Sûrement. Donc il s'est trompé là-dedans. Et ça coûtait 220 livres d'administration. Alors que... les articles sont tellement longs, là. Le frais moyen pour changer le nom, c'est-tu entre 25 et 40 livres? Quelque chose comme ça. En tout cas, bref, ça coûte moins cher de changer de nom. Ouais. Disney a déjà pensé à créer un parc thématique appelé Shadowland ou Dark Kingdom dédié aux vilains. Aux méchants des films de Disney. Les gens aiment souvent les bons personnages ou les héros de Disney comme Mickey Mouse, Goofy, Cendrillon, Blanche-Neige, mais les gens veulent des fois se faire prendre en photo avec le Capitaine Crochet, Jafar et d'autres. Donc, les vilains de Disney sont présentement dans leur parade d'Halloween qui s'appelle Mickey's Not So Scary Halloween Parade. Mais il y a quelques années, on a considéré de faire un parc thématique avec juste des méchants. Il y a des terrains de jeu qui sont spécifiquement faits pour que les enfants puissent jouer avec une supervision adulte minimale. Donc, moins d'adultes, mais plus de choses risquées. Par exemple, mettre le feu à des endroits, construire et détruire, jouer sur des terrains dangereux. Et là, les enfants peuvent apprendre à prendre les risques de façon sécuritaire. Ouais, on appelle ça « The Land ». Donc, c'est un terrain d'aventure. Au Royaume-Uni, ça existe. En fait, c'est devenu populaire dans les années 40. C'était Lady Marjorie Allen of Earthwood, une architecte paysagiste et donc children's advocate, là, quelqu'un qui encourage les causes pour enfants. Donc Allen était déçue par dans un documentaire, elle a dit qu'elle trouvait ça plate, les terrains de jeu, avec un carré d'asphalte et quelques morceaux d'équipement mécanique. Donc elle voulait créer un parc avec où les enfants pouvaient bouger, manipuler, créer leur propre sculpture, structure. Elle voulait que les enfants puissent avoir une atmosphère libre et permissif avec aussi peu de supervision adulte que possible. L'idée était que les enfants allaient prendre des risques dangereusement, mais les conquérir, en fait des risques qui pourraient être dangereux, mais les conquérir par eux-mêmes sans qu'il y ait vraiment de danger. Donc pour leur donner plus de confiance et de courage, le documentaire s'appelle The Land et ça a débuté en 2015 au Full Frame Documentary Film Festival, si vous voulez aller voir l'extrait. C'est une belle initiative. Absolument. Les éléphants, Tania, peuvent savoir ton ethnicité en écoutant ta voix, sentant ton odeur et même en reconnaissant tes vêtements. Ça leur permet d'éviter les humains qui ont souvent des conflits avec les éléphants. Donc, ça veut dire que les éléphants deviennent racistes parce qu'ils vont éviter des catégories de gens au complet. C'est vrai. Mm-hmm. L'origine de conduire à la gauche de la rue. De la rue ou de la route, voilà. Ouais. La route. Ça vient de l'Angleterre médiévale où les chevaliers se promenaient sur leurs chevaux du côté gauche de la route. Donc, s'ils rencontraient un ennemi avec leur épée, leur main serait du bon côté pour se battre. Environ 35% de la population du monde conduit à gauche. Savais-tu que c'était aussi élevé que ça? Non. 35%. Et les pays qui font ça sont surtout des colonies britanniques, des anciennes colonies britanniques. Dans le passé, presque tout le monde voyageait du côté gauche de la rue. C'était la meilleure option pour se battre dans des sociétés violentes. Étant donné que la plupart des gens sont droitiers, les gens à épée préféraient donc se tenir à gauche pour avoir leur bras droit plus près de leur ennemi lorsqu'ils sortaient leur épée. Voilà. Et ça réduisait aussi la chance que leur... qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme outil qui allait frapper quelqu'un avec leur outil qui était à gauche? Je sais pas ce que c'est, un scabbard. Faudra aller voir. Un petit instant. Je suis curieux. Trop curieux, je veux tout savoir. Un fourreau. Je connais pas plus ça. Mais un fourreau qui était à gauche et on voulait pas frapper les gens avec ça. C'était plus facile aussi pour les droitiers de monter leur cheval du côté gauche du cheval. Ce serait difficile à faire si tu portais une épée. À ce moment-là, l'épée qui était portée à gauche. Voilà, bref. C'est pour ça qu'on conduit à gauche encore dans certains pays. Un garçon de 10 ans a sauvé la vie de son arrière-grand-mère dans un véhicule qui faisait de la vitesse après qu'elle soit tombée inconsciente au volant. En arrivant dans le trafic qui s'en venait de l'autre côté, finalement, le garçon a pris le volant et l'a guidé jusqu'à ce que la voiture puisse arrêter dans un trou rempli de boîtes. On l'a traité comme un héros, mais il a crédité sa bonne conduite, un peu comme tantôt dans la voiture du Poisson d'Avril. C'est à Mario Kart qui donne le crédit. Il a appris à conduire grâce à Mario Kart. Ah oh, ouais. En 2010, un homme du Royaume-Uni a eu le hoquet de façon chronique pendant 2 ans et demi. Il s'est fait dire par les docteurs qu'il avait probablement des brûlements d'estomac. L'émission de variété japonaise a raconté son histoire et en filmant, ils ont découvert une tumeur au cerveau. La tumeur a été enlevée, le hoquet s'est en allé, ça a possiblement sauvé sa vie. Grâce à une émission de variété japonaise. Et là là! En 2014, un chat nommé Russell a été brûlé dans un feu dans une maison. Ça l'a laissé aveugle. Il a eu besoin de 24 opérations et un an et demi à l'hôpital pour animaux, hôpital vétérinaire. Malgré ses blessures, il a offert du réconfort à chaque nouvel animal qui est entré dans la clinique. Donc, un chien, un hamster, un oiseau, etc. En se collant sur ces animaux-là à leur arrivée. Ce qui a vraiment calmé les animaux autour. C'est dommage triste. C'est tellement mignon, par contre. En 1854, le choléra était à Londres. En utilisant des cartes, des spot maps, ce qu'on appelle, on a appris que la majorité des cas arrivaient là où il y avait une pompe d'eau sur Broad Street, donc les endroits qui étaient près de Broad Street. Par contre, plusieurs moines dans ce coin-là n'ont pas eu le choléra, donc on a dû enquêter et on a appris que c'est parce que eux, les moines, ne buvaient que de la bière et non de l'eau. Ah! Oh, pour vrai? Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le choléra. Ils buvaient jamais d'eau. Ah ben, mousse! Et les tannants. Ça peut être bon, des fois, l'alcool. Au Japon, on peut engager des handsome men, donc des bels hommes, des beaux hommes, qui vont se présenter à votre bureau et regarder des vidéos tristes avec vous jusqu'à ce que vous pleuriez. Et ensuite, ils vont essuyer les larmes sur votre joue. C'est dommage, Yazoo. C'est au Japon. Une personne bilingue. Peut-être. Ah, t'as parlé l'autre fois de gens qui étaient bilingues et leur intelligence et tout ça. Après ça, on a un petit peu dit le contraire dans la chronique de Jimmy Thibodeau. Mais bref, une personne bilingue peut être dyslexique dans une langue et pas dyslexique dans l'autre langue. Oui, c'est vrai ça. J'ai lu ça. Un four micro-ondes typique consomme plus d'électricité en faisant fonctionner son horloge numérique qu'en réchauffant de la nourriture, selon un article de TheStar.com. J'aurais tendance à leur faire confiance, mais il y a beaucoup d'appareils donc, qui gaspillent de l'électricité. Des appareils en stand-by qui ramassent assez d'électricité à chaque année pour faire fonctionner le Canada au grand complet, juste en étant en stand-by. Et voilà. C'est tout pour cette première partie de cet effet. On arrive juste quand même. Moi, j'ai envie d'aller entendre une autre pièce. Ben oui, pourquoi pas? Parce que là, on vient d'apprendre des choses, alors qu'avant ça, vous vous considériez complètement ignorant. Donc voici Ignorance. Peut-être pas complètement, mais moi, maintenant, je me trouve ignorant. Vous êtes plus intelligent. Vous êtes moins ignorant. Ouais, c'est voilà. Ça. Voici Ignorance par UC Party à Assemblage Requis. Ça, c'est fou. Say Party, la pièce Ignorance à Assemblage Requis. Au retour, c'est Tania Is Gonna Entertain Ya. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce lundi 29 février 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Tu sais, quand tout va bien aujourd'hui, je te jure, je te jure. Je sais, hein. J'ai mis un stylo dans ma poche, puis il a tout coulé. Oui, mais pourquoi t'as mis un stylo dans ta poche? Parce que je l'ai ramené à la job, je pensais pas qu'elle allait s'ouvrir. Ouais, mais là. C'est ça que ça donne, hein? En tout cas. C'est ça que ça donne. Ouais. Bref, hey, c'est le moment d'entendre parler de toi, à place d'entendre parler de mes niaiseries, mes gaffes habituelles. Si on est habitué d'entendre parler de ça. Voici Tania Is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. La la la la la la la la la la la la la la. And she's gonna entertain ya. Hey, Tania Baudin. Hey, hey, hey! Ça commence comme ça, cette chronique-là. Ça va, ça commence comme ça. La, la, la, la, la. T'as bien raison. Ben oui. Et donc, aujourd'hui, on parle de musique, Tania. Oui, on va parler de musique parce que il y a quelques temps, j'étais tombée sur un article qui parlait des artistes montréalais les plus émergents et ceux qu'on devrait entendre bientôt. Je dois avouer qu'il y en a qu'on a déjà entendu à d'autres stations de radio. Et je me suis surtout intéressée à ceux qu'on n'entendait pas vraiment. Oui, ben oui. Malgré le fait que la personne qui avait écrit l'article croyait qu'on allait entendre parler d'eux. Moi, personnellement, je les connaissais pas. Peut-être que les amateurs de ce style de musique-là les connaissent très bien. Mais je me suis dit, pourquoi pas les faire découvrir à nos auditeurs, à nous. C'est un peu le but de C'est fou, hein? Exactement. Donc, je me suis dit, allons-y, allons-o, c'est comme ça que ça va débuter. le premier artiste, c'est Foxtrot. F-O-X-T-R-O-T-T. C'est une jeune fille de Montréal, donc elle est de Montréal. Tous les artistes dont je vais vous parler ce matin sont tous de Montréal, ce sont tous des Québécois. Et c'est un peu ce dans quoi on voulait lancer l'article d'ailleurs, c'est de savoir ces artistes québécois qu'on connaît pas nécessairement super bien, mais qui sont extrêmement talentueux. Donc Foxtrot, en fait, c'est une fille qui fait un petit peu du indie électro. Pop. Ah, j'aime déjà ça. J'irais même jusqu'à dire qu'on utilise les synthétiseurs à plusieurs reprises. Dans l'extrait qu'on va vous faire écouter un petit peu plus tard, vous allez entendre vraiment cette espèce de synthétiseur-là qui va revenir. Par contre, la voix reste quand même très, très actuelle. C'est le style de musique que plusieurs gens aiment aujourd'hui en 2016. de nos jours. Oui, de nos jours. Mais le synthétiseur n'est pas agressant. Il y a certains groupes de musique qui vont l'utiliser. Puis ça va être très, très futuriste. Par contre, ici, on vient plus... Je dirais qu'on vient donner comme un petit peu de rondeur à la musique. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pense que tu vas comprendre quand je vais te faire écouter la pièce aussi. Ça coule bien en bouche. Oui, c'est ça, ça coule bien en bouche. Non, mais ça coule bien dans les oreilles, surtout. Mais quand je parle de rondeur, c'est qu'on a, en écoutant la chanson les yeux fermés, au moment où le synthétiseur rentre en ligne de compte, on dirait qu'on imagine comme des cercles ou encore des ballons. Et c'est vraiment cette fameuse rondeur-là dont je parlais. Mais je suis persuadée que tu vas l'entendre toi aussi, puis tu vas l'imaginer. J'espère que les gens en médecine te donnent un diagnostic pour ce problème que t'as. Peut-être, peut-être. Je vous dirais aussi que le synthétiseur va donner un petit côté psychédélique à la musique qu'elle va faire. Et on l'a entendu d'ailleurs à Montréal en lumière. On l'a mis sur une scène avec plusieurs artistes connus et la réaction du public a été incroyable. Son Facebook arrête pas de tourner depuis. Et il y a plusieurs gens qui l'ont vu justement au Club Soda à Montréal pendant Montréal en lumière cette fin de semaine. Et ils ont beaucoup, beaucoup adoré. Donc, pourquoi ne pas tout simplement l'écouter et vous en donnerez votre propre jugement. Moi, je suis persuadée que vous allez aimer. Voici Foxtrot avec Beyond Our Means. Seen her cross the line, line. Vision gave me shivers down my spine, spine. I never told her that I miss her. When I told her, she whispered with this voice of hers, tender yet so clever. She whispered. Avec Shaky Hands, j'avais dit que c'était Beyond Our Means, mais non, c'est Shaky Hands, c'est sa nouvelle, la plus récente pièce qui est sortie. Si jamais vous allez voir sur son site internet, vous allez arriver directement sur le vidéo. Et j'ai voulu vous faire écouter celle-là parce que justement, si vous allez voir le vidéo, vous allez voir à quel point c'est extrêmement bien fait et on y a mis beaucoup, beaucoup de temps. Si jamais aussi ça vous intéresse, son nouvel album est maintenant sorti à la grandeur du Canada. C'est A Taller Us. Vous avez juste à chercher Foxtrot, F-O-X-T-R-O-T-T, et vous allez voir où vous pouvez vous le procurer si jamais le style de musique vous a intéressé. C'est bien bon, ça. Oui, hein, c'est ouais. Très bon. Je voulais aussi vous parler du deuxième artiste qui est Elliot Maginot. Qui est Elliot Maginot? C'est un gars qui fait pas mal parler, je vous dirais, pour son côté... folk, avec une voix quand même très, très mélodieuse, mais rauque. C'est ce qu'on aime aussi des artistes masculins la plupart du temps. Mais selon le site Narcity City, c'est un des meilleurs albums québécois qui est sorti en 2015. Et chaque Québécois devrait en avoir une copie dans son véhicule pour pouvoir écouter sur la route parce que selon eux, c'est un artiste qu'on ne connaît pas assez ici. Il vient tout juste de revenir d'une tournée australienne, mais ici... On le connaît vraiment pas beaucoup. Pas tant que ça. Non. En Australie, on aime beaucoup ce genre de musique-là, folk, les artistes masculins qui vont vraiment chanter leur âme à nu. Donc, de ce côté-là, c'est vrai qu'on voit ça beaucoup plus du côté européen, mais c'est pour ça que, justement, lui est allé du côté de l'Europe et tout ça, parce qu'ils ont cette espèce d'engouement-là pour ces artistes-là. Et ici, on a peut-être un peu moins ça. Je sais pas pourquoi exactement? Peut-être qu'on a de la difficulté à mettre nos artistes de ce style musical-là de l'avant. Par contre, ça devrait arriver rapidement pour Elliott Maginot parce que c'est un gars qui fait beaucoup, beaucoup parler sur les médias sociaux. Vous allez entendre vous-même avec la pièce que je vais vous faire écouter tout à l'heure. C'est une pièce... Mais c'est une voix qui porte. Pour certains, ça sera peut-être pas la première fois que vous allez entendre sa voix parce qu'il a fait partie de plusieurs bands qu'on catégoriserait, ou du moins que lui-même catégorise de garage et de sous-sol lorsqu'il était adolescent. C'était un petit peu plus skate punk dans ce temps-là. Là, ça me fait un petit peu penser à Avril Lavigne. Ah ouais, mais, okay. Mais lui-même dit que tout ça est en fait arrivé par erreur de devenir Elliott Maginot, parce qu'il faut savoir que c'est pas son vrai nom. Tout ça est comme arrivé par erreur parce qu'il était un petit peu tanné justement de faire du punk dans son sous-sol puis dans son garage avec ses amis. Et il a commencé à gratter sur une guitare acoustique et à vraiment comprendre l'instrument en tant que tel et à comprendre les variations qu'il pouvait faire aussi avec sa voix et cet instrument-là. Et c'est comme ça que c'est arrivé cette espèce de folie et d'engouement pour la guitare acoustique et le folk. C'est tout simplement assis dans son sofa, puis il a commencé à jouer, puis il s'est dit « Oh, attends, je peux faire beaucoup de choses avec cette guitare-là, puis je peux faire beaucoup de choses avec cet instrument-là. Je peux amener ma voix à un autre niveau que je n'ai pas encore exploré. » Et c'est pourquoi il dit que c'est arrivé par erreur, parce qu'il y avait aucunement l'intention de faire du folk, du indie. On le voyait, comme je l'ai dit, on le voyait beaucoup plus dans des bands punk, puis tout ça. Puis lui, il croyait qu'il allait vraiment rester là. Par contre, lorsqu'il a découvert tout ce qu'il pouvait faire avec une guitare acoustique, il a adoré ce que c'en était. Et c'est pour ça qu'il dit que maintenant, il peut devenir qui il veut avec cet instrument-là. Et c'est pourquoi il a décidé de s'appeler Elliott Maginot. Ça sort absolument de nulle part. Il dit qu'il enregistrait presque sans s'en rendre compte des chansons qui devraient nous éblouir, oui, de façon intense par la lumière des paroles. Donc de ce côté-là, on joue un petit peu côté poésie. Puis il dit que c'est un environnement qu'il lui avait jamais pensé explorer, mais avec lequel il s'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Et c'est pourquoi j'ai comme l'impression qu'ici au Québec, on voit moins ça parce que côté lyrique, puis tout ça, on aime quand même ça, les Québécois, mais lorsqu'on parle de jeunes Québécois, c'est rare qu'on va entendre des artistes quand même assez jeunes qui vont y aller dans cette espèce de folk-là. Et je pense qu'ils gagnent tout simplement à se faire connaître ici au Québec. Je vais vous laisser écouter la pièce, puis on va revenir tout de suite après. Ça va être « Monsters at War » de Elliott Maginot. Something is so wrong. This is only war. We'll never win, 'cause we will always be as we were made. Fragile, weak and small and overrated most of the time. Elliott Maginot avec Monsters at War. Il dit lui-même que son album au grand complet est un espèce d'album pop onirique. Qu'est-ce que ça veut dire pop onirique? Bien, c'est du pop que l'on retrouverait peut-être dans nos rêves, selon lui. Parce qu'en fait, la définition de onirique, c'est le rêve qui désigne un ensemble de phénomènes psychiques éprouvés au cours du sommeil. Donc, de ce côté-là, lui va vraiment aller s'inspirer de ce qu'il rêve et de ce qui se passe dans sa tête. Si jamais ça vous intéresse, son album aussi est sorti. Il s'appelle Young, Old, Everything in Between. Vous pouvez soit aller sur Internet pour savoir où vous le procurez ou encore le commander en ligne sur son site Internet. Et je crois que c'est un des artistes courants en 2016 auquel son site Internet est vraiment un site Internet. Ah. Merci. Deux faits intéressants. Il y a déjà eu la pièce Young, Old sur notre palmarès en mars 2015. Oh! Ça veut dire ça, non? Non. Ah. Et avant ça, une autre année avant, parce que là, on est rendu en mars 2016, si vous en parlez. Okay? En mars 2015, une pièce sur palmarès. Et en mars 2014, il faisait la partie principale d'une soirée cachée, c'est fou, le 18 mars, à la Galerie R3, le QTR. Ça, c'était en mars 2014. Donc, 2014, soirée cachée, 2015, album sur palmarès, 2016, t'en parles. Ben oui, puis 2016, le 23 février dernier, il était ici à Trois-Rivières au Gabrinus. Il a donné un spectacle. Malheureusement, j'y étais pas, mais je suis persuadée que c'était toute une soirée très formidable. En plus, il est pas désagréable pour les yeux, mesdames. Ben... Alors, si certaines d'entre vous étaient au Grabrunus, je suis certaine que vous avez passé une belle soirée. Absolument. Il faut être patient pour Elliott Maginot, mais là, ça sent bien son affaire. Oui, oui, oui, ça sent bien. Je pense que justement, il gagne à être connu et tout le monde devrait un petit peu connaître de Elliott Maginot. Toute bonne chose vient en attendant de... C'est quoi l'expression, tu sais? Toute bonne chose vient à qui sait attendre. Tic. J'allais le dire. Et voilà. Le troisième band dont je vous parle, c'est The Posters. P-O-S-T-E-R-Z. Un band composé de trois adolescents anglophones de Montréal. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est du rap, du hip-hop, un petit peu christien? Chrétien. On dit qu'au Québec, on a un retour de cette espèce de vague de rap, là, de hip-hop. Là. D'ailleurs, on l'a entendu un petit peu avec Loud, Larry et Just qui ont vraiment essayé de ramener ça. Et The Posters serait, en théorie, selon plusieurs critiques du monde de la musique, le band montréalais côté rap qui pourrait vraiment lancer le Québec sur une allée pour ce style musical-là. Ah. Selon eux, c'est le groupe rap le plus avant-gardiste au Canada. Donc, c'est bien. Ça, écoute, les gars ont même pas l'air d'être sortis de l'école secondaire encore. Si jamais ça vous intéresse, vous allez voir sur leur page Facebook. Vous allez voir, ils ont l'air quand même assez jeunes. Par contre, on peut pas dire que leur musique est pas bonne. Si vous allez voir aussi sur les médias sociaux, que ce soit sur YouTube, Facebook, SoundCloud ou encore Twitter, vous allez voir, ils postent régulièrement des vidéos et leurs vidéos sont extrêmement bien faites. J'ai cherché à savoir qui faisait les vidéos de ce band-là, de ce groupe rap-là, et malheureusement, j'ai pas trouvé. Par contre, chapeau au directeur photo sur ces vidéos-là parce que c'est assez exceptionnel, merci. Et j'ai décidé de vous faire écouter une chanson qui lance un petit peu leur nouvel album qui va sortir prochainement. C'est la pièce Boulalé et de l'album Junga. Yeah. Sunday, sun up. Smoking this out of my mom. I'm just waiting on my resume. She's late, I caught her like chops on the other line. I'm a marijuana sales representative. No flex in the day, no stressing, I'm good. But I still got a few thou pending, got business sweat. Slangers and bangers and hoes and gorillas. Got banana boat rolls that swank. When a hippie bitch blows, down a bit it up. Told me that she never smoked nothing to stank. I'm like, dang. I roll with the poster, many hoes can't get it. Nah, she. On a dick and then leave him like thanks. I'm Jody Hot, rolling in my city with a bully pit lit. Philly's booty tits, red headed nigga with a hoodie. Betty fully quit, sweet nigga come around, turn his ass into pretty. My goodness, these niggas ain't got no shame fucking with the real one. Chris gon' send him to the spirit world. As I said, welcome to the real one. Welcome to the jungle now. Yeah, yeah, yeah. Welcome to the jungle now. wanna call your shooters. Tryna see what I'm doing. 33 degree Freemason, nigga really can't fuck a pack yoin. Fresh motherfucker from the pony. Fresh motherfucker, my hoodie on bombing. If a nigga speed up, turn his ass in a pudding. Fucking with a dolly bit belly, I fought it with a loony and a dream. But you looking at money, this is the mummy. Same bitch coming to the crib, and she running good cooling with the nigga from the jungle. And the duffel, and the scully. Lit, Philly's booty tits, redheaded nigga with a hoodie. Betty fully quit, sweet. Come around, drop his ass in the pudding. Fabriqué avec amour à Montréal. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Écoute, les gars sont fiers d'être Montréalais. C'était The Posters avec la pièce Boulalay, B-U-L-A-L-A-Y, si jamais vous cherchez la chanson sur soit YouTube ou encore sur les médias sociaux. Je voulais vous dire aussi comment est-ce que ça était arrivé, cette fameuse idée de s'appeler Posters, là, The Posters. En fait, c'est qu'un des membres du groupe Hauser, le groupe est composé de Hauser, Chris Spirit et Joey Charette. En fait, Hauser a l'air d'un gars d'American Apparel, a vraiment l'air d'un mannequin d'American Apparel, puis il se l'est fait dire dans un autobus par une gang de filles. Bon. Puis les filles étaient comme, ouais, ben, t'as juste l'air d'un gars sur un poster d'American Apparel. Puis il était comme, yeah, right, Posters. Mm. Et c'est comme ça que c'est arrivé, l'idée de s'appeler The Posters, parce que les trois gars ont l'air de des gars qui pourraient quand même très bien passer sur des posters. Alors, c'est comme ça que le nom du groupe est arrivé. Et en fait, ils ont commencé à faire leur musique dans un sous-sol de centre communautaire dans un des quartiers de Montréal. Et c'est à ceux qui commençaient à faire des beats. Par la suite, c'est les deux autres qui se sont joints à eux. Ils ont commencé à joindre leurs goûts musicaux qui étaient très différents l'un de l'autre et à décider de vraiment former un groupe rap. Et je trouvais ça pas très agressif comme rap. T'sais, on a des je veux pas dire que Loud Larry Adjust, c'est agressif. Loin de là. Par contre, c'est un rap qui est quand même assez différent. C'est un rap qui est plus dur, je dirais. Et du côté de Posters, ben, ça s'écoute quand même très bien le matin ou lorsque tu te prépares. Donc, de ce côté-là, je trouvais que c'était très, très bon. Il y en a du bien pire que ça. Ben oui, c'est ça. Ça dit pas fuck aux deux mots. Alors ouais, ouais, il n'y a pas de bip, bip, bip, bip tout ça, le long. C'est hein. C'est pas du 50 Cent. C'est hein? Ça. Le dernier band dont je veux vous parler, je vous en ai déjà fait écouter, entre autres, durant l'été, lors de mon émission En Piste avec Tania Baudin. Autopromo. Oui. Une de leurs pièces était ma trame sonore d'émission. C'est The Black Tiger Sex Machine. C'est un band électro de Montréal. C'est électro-futuriste. Vous allez entendre vous-même. C'est des gars qui, quelques années, n'étaient pas connus de la scène musicale, mais vraiment loin de là. C'est trois gars qui ont commencé ça pour le fun et ça a super vite monté en succès, non seulement ici au Québec, mais partout dans le monde. 2015 a été vraiment une année de tournée pour eux. Ils ont fait des gros, gros, gros festivals de musique EDM, de musique électro. Et de ce côté-là, je pense que c'est bien parce que ça met le Québec sur une map internationale et ça montre aussi que Montréal est capable de faire autre que de la musique lyrique. Voyons. Puis, mais c'est super le fun, vous allez entendre. C'est très différent de ce qu'on entend à l'habituel. C'est des pièces que l'on peut entendre très bien sur une trame sonore de film, tout dépendant de l'histoire du film, là, bien évidemment. Mais vous allez entendre cette espèce d'air futuriste-là. Et aussi, vous allez voir aussi peut-être les origines, parce qu'au départ, les gars s'inspiraient beaucoup, beaucoup de tout ce qui était... violon, tout ce qui était classique. C'est des gars qui ont des bacs en musique pour la plupart. Donc, de ce côté-là, on voulait vraiment intégrer quelque chose qui était là depuis très, très longtemps. Et je les ai déjà vus en spectacle. J'ai déjà discuté avec eux. Ils disaient justement que le côté classique, c'est quelque chose qui va probablement rester pendant très longtemps dans leur pièce musicale parce qu'à la base, c'est de là qu'ils viennent. Ça a été l'inspiration numéro un au tout début. Et c'est un petit peu dans l'optique aussi de leur premier album qui est sorti le 2 février dernier, qui s'appelle Welcome to Our Church. Parce qu'ils disent vraiment que leur musique, ça devient une espèce de religion et que les gens qui écoutent leur musique rentrent dans leur église. Alors, si jamais ça vous intéresse, leur album est sorti. Vous pouvez aller sur leur SoundCloud, l'écouter au grand complet. Moi, j'ai passé des heures à l'écouter sur repeat. C'est super bon. Évidemment, il faut aimer la musique électro. Ça s'appelle Welcome to Our Church. Et je me suis dit, pourquoi pas écouter une pièce qui était leur démo au départ. Si je m'abuse, c'est Funeral March et The Craving. Et c'était un démo. Funeral March, The Craving par Black Tiger Sex Machine. Comme je vous disais, si ça vous intéresse d'aller sur SoundCloud et écouter leur nouvel album Welcome to Our Church au complet, il est disponible sur SoundCloud. Et quand je disais que les gars sont rendus mondialement connus, le 2 février dernier, ils ont lancé sur Internet leur album et au moment de lancer l'album, ils étaient déjà quatrième dans la catégorie Dance Electro sur iTunes. Wow! C'est pas rien. Non. Ça va vite. On est fiers. C'est des Québécois, puis ils disent partout où ils vont. Ils disent que, justement, c'est Montréal qui les inspire beaucoup, beaucoup. Donc, de ce côté-là, pourquoi pas leur lever notre chapeau un petit peu parce qu'ils nous représentent très bien partout à travers le monde avec leur musique. Oui, des chapeaux, un chapelle. Hein? Hey. Raconte-nous, qu'est-ce qu'ils ont les Français, là? Qu'est-ce que tu disais sur les Français? Ben selon, c'est parce que je me suis rendu compte que tout à l'heure, j'ai dit des festivals au lieu de dire des festivals. Ouais. Et j'ai cherché en fait sur Google si ça se disait. Et apparemment qu'il y aurait des Français qui disent des festivals. Ah, mais c'est pas officiel. Au lieu de dire des festivals. C'est genre... Tu sais, il y a des festivals aussi. Une expression. Voilà. Bref. Oui. Merci Tania. Et ça fait plaisir. Ouais. On prend une pause. Au retour, il va y avoir plus de chroniques de ma part, dont une deuxième partie de cette fesse. À son âge requis, aujourd'hui. Assemblage de qui? Vous êtes assez fait, assez fait. 89.1. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis en ce lundi 29 février 2016. Et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oh, oui. C'est le moment de passer une deuxième partie de notre chronique éducative. Ah ouais? T'sais, moi aussi. Tu vas nous éduquer? Absolument. J'ai justement, parlant de m'éduquer, moi-même, j'essaie de m'éduquer. Tantôt, on a cherché le mot festival, à savoir si au pluriel ça se disait festival. Apparemment qu'en France, ça se dit. J'ai aussi cherché ce matin si c'était éducatif ou éducationnel. Éducationnel, c'est en anglais, c'est un calque. Ah, c'est éducative. Voilà. Ben oui. Donc, depuis les années que je disais éducatif, j'étais correct. Parce que je me suis posé jusqu'à la semaine passée la question ben, est-ce que je devrais dire éducationnel? Non, c'est éducative. Ouais. J'ai cherché. Voilà. Bref, c'est ça. Ben, c'est la chronique éducative. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Commençons en 1958. Le docteur David Briggs disait avoir hypnotisé ses étudiants et ça a augmenté les performances académiques de ses étudiants par jusqu'à 15%. Oh! Selon docteur David Briggs, il n'y a pas de preuve pour ça. C'est selon le blog de weirduniverse.net. C'est sûr que si t'es toi-même le professeur, l'enseignant, et que c'est toi qui donnes l'examen, et que tu veux dire qu'ils ont eu 15% de plus, tu peux bien, ça. Ben oui, c'est sûr. Tu peux bien. On a parlé d'éléphants dans le précédent bloc de C'est un fait. Les éléphants savent comment venir aux humains pour se faire aider, comme par exemple s'ils ont été empoisonnés. Ils peuvent nous trouver, même sur de très très longues distances. Ok. Intéressant. Les vaches maintenant. Les vaches plus heureuses produisent plus de lait. Hey, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais, et simplement les appeler par un nom individuellement, donc Bertha, mettons, va augmenter la production des vaches de 3,5% jusqu'à 3,5%. OK. Eh ben! Le mot « légende » à l'origine voulait dire « choses qui sont à lire ». À l'époque prémédiévale, lire et écrire était très rare, donc quelque chose qui valait la peine d'être écrit était quelque chose de très très notable et donc légendaire, ça valait la peine d'être écrit et ensuite d'être lu. Légende. Mm-hmm. Mm. Au Japon, ton type sanguin est traité un peu comme ton signe du zodiaque ici en Occident, même qu'ils sont encore plus sérieux que ça. Quel est ton type sanguin? C'est une question qu'on demande régulièrement. Il y a même des horoscopes de type sanguin. Je crois qu'il y a un mot en français pour type sanguin. Hein. On dit... Colin. Si je me rappelle bien, le mot... Quoi? On va me le crier. Groupe sanguin! Groupe sanguin! Groupe sanguin, c'est pas difficile. Mais groupe sanguin. Ouais. Et j'attendais que quelqu'un vienne me le dire à la porte. Donc, pour montrer, on va du Japon à la Chine, pour montrer comment le chinois classique est devenu une langue très peu pratique. Le linguiste Chao Yuanren a écrit un poème de 92 caractères où chaque syllabe est le son « chi ». Le poème « chi-chi, chi-chi-chi » veut dire « un poète mangeur de lions dans une place de pierre ». Genre dans un... Ouais. « Chi-chi-chi, chi-chi-chi ». Chi-chi-chi. Pratiquant. En 1965, une machine a été brevetée pour faire sortir un bébé du ventre de sa mère en utilisant la force centrifuge. Arc! La machine te faisait tourner jusqu'à ce que le bébé sorte et te faisait attraper dans un filet. Mais non, arrête là! Je te jure, c'est selon le site The Unnecessarian. The Unnecessarian, c'est comme un jeu de mots avec césarienne, puis pas nécessaire, on se comprend. Ouais, ben c'est... Hein? Ah, c'est un très beau nom, là. Ça dit, et ça, leur slogan au site The Unnecessarian, c'est retirer le rideau de cette épidémie de césarienne pas nécessaire. Wow. Donc ils disent, dans le fond, c'est un site de propagande disant qu'on n'a pas à faire de césarienne. Ok, ouais. Un juge de l'Ohio a donné comme sentence à une femme de s'asseoir dans l'endroit le plus senteux, le plus odorant d'une dompe à déchets pendant 8 heures parce que, pour cruauté envers les animaux, en fait. Ça dit « si tu vomis, tu vomis hein? ». C'est ce que oui, le juge lui a dit. Le juge en Ohio. Rien de moins. Le job le plus dangereux, l'emploi le plus dangereux aux États-Unis, c'est quoi selon toi? Policier? Non. Ah non? Non? Pompier? Droit de réplique? Non, c'est le président américain. Non, oui, plus comme ça. Plus de 9% ont été tués à l'emploi, au travail. Ensuite, le deuxième plus dangereux, c'est les loggers. Loggers, en français, à 0,13%, c'est ceux qui... c'est bûcherons, c'est exploitation forestière, des trucs comme ça. Donc, 0,13% de morts. OK. Voilà. Ensuite, certains canards... flottent dans des sections qui bougent rapidement, des sections de rivières qui bougent rapidement. Et lorsqu'ils arrivent au bout, donc ils vont descendre très très rapidement, et lorsqu'ils arrivent au bout, ils retournent au début pour faire une autre glissade, pour s'amuser. Ils glissent dans l'eau, les canards. Oh, c'est pas cute. Cute, hein? Jerningham Wakefield était un policier en Nouvelle-Zélande qui était tellement saoulon, il était reconnu pour être saoulon, que ses amis l'embarraient dans le Parlement pendant la nuit pour le garder sobre, pour qu'il soit capable de voter correctement le lendemain des votes importants. Ça a été un échec en 1872 quand ses ennemis politiques ont commencé à faire descendre des bouteilles d'alcool par la cheminée, des bouteilles de whisky en fait. Ah ouais. C'est tellement connu que l'opposition a entendu parler de ça, qu'il les gardait dans le Parlement pour qu'ils soient sobres, que finalement ils ont décidé de faire descendre de l'alcool pour avoir ce qu'ils voulaient finalement. Hey boy! Hey boy! Donc quand les cloches ont sonné et qu'un premier ministre du gouvernement est arrivé pour voir Wakefield, ils ont trouvé qu'il était complètement sous à ce moment. Ben c'est sûr. Mm-hmm. L'arbre de Manchineel maintenant est considéré comme l'un des arbres les plus empoisonnés du monde. Ça cause des cloches sur les doigts. Okay. Si tu te mets en fait sur les doigts et partout en fait, si tu te mets en dessous pendant qu'il pleut, ça t'aveugle si la fumée de son bois touche à tes yeux, et ça peut empoisonner de l'eau avec ses feuilles, et ça va causer ta mort si tu manges ses fruits. Quoi? My God, c'est agressif. C'est l'arbre Manchineel. quand le bateau de la Deuxième Guerre mondiale de John F. Kennedy a coulé, il a écrit un message sur une noix de coco demandant de l'aide. Le message par noix de coco a fonctionné et Kennedy a gardé la noix de coco et c'est devenu un presse-papier présidentiel. OK. Hein? Il s'en sert pour tenir ses feuilles. Ben maintenant, il s'en sert. Vous comprenez. L'encyclopédie Yongle, complétée en 1408, était la plus grande encyclopédie à jamais avoir été créée jusqu'à ce que Wikipédia l'ait surpassée en 2007. Ah ouais? Ben oui. Les escargots ont traversé de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique vivants en se faisant digérer par des oiseaux et en se faisant rejeter par le derrière de ces oiseaux-là. Ew. Toujours vivants. Mmh. Et il traversait des continents dans les fesses, le ventre. Ah, ben, rien de moins. Un bateau à vapeur a coulé en 1856. Il a été ressorti par excavation en 1988 en dessous de 45 pieds de terre dans un champ sur une ferme. Plusieurs artefacts ont été retrouvés et préservés tellement bien, en fait, que la nourriture à bord du bateau était toujours mangeable. Ah! C'était le Arabia Steamboat. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. C'est cool, ça. Mm-hmm. Un pigeon nommé Gustave, bien sûr. Ben oui, évidemment. A transporté le premier mot de l'invasion de la Normandie pour ramener ça à la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, étant donné que qu'il y avait un silence radio complet à ce moment-là. Donc, cet oiseau-là a fait 150 000 en 5h16. Il a reçu la médaille Deakin pour la bravoure. Il est mort après la guerre alors qu'il s'est fait accidentellement piler dessus. Oh! Piler dessus, le pauvre petit pigeon. Le pauvre. Ouais. Vexation est une pièce au piano par Eric Satie qu'on joue 840 fois de suite. Ça prend environ 18 heures à la jouer. Et un homme qui a réussi, qui a essayé de le faire en solo, a démissionné après 15 heures parce qu'il était en train d'avoir des hallucinations. Ah, oh, ouais? Ouais, ouais, ouais. Donc, la pièce a l'inscription Pour jouer cette chanson 840 fois de suite, il serait conseillable de se préparer à l'avance le silence le plus complet et... C'est ça dit au préalable, oui, et dans le plus grand silence par des immobilités sérieuses. Ah, c'est grand français. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable et dans le plus grand des silences par des immobilités sérieuses. Hey, 840 fois. Ouais. Et à partir des années 60, le texte a été interprété comme une instruction disant que la musique devait être jouée 840 fois. Donc, un pianiste a essayé de le faire en solo, arrêté après 15 heures, comme on disait. Il y a aussi des galeries qui vont faire des parties pyjama, des sleepovers, où plusieurs personnes essaient de la jouer 840 fois de suite. Wow! Effectivement. Plus de 10 000 enfants bambins américains de 2 à 3 ans reçoivent des médicaments pour le déficit hyperactivité, le déficit d'attention. Mm-hmm. Ça dit à l'extérieur des lignes directrices pédiatriques. Donc, il y a des enfants qui reçoivent ces médicaments-là qui ne sont pas supposés en recevoir selon les lignes directrices du médicament lui-même. Ça ne me surprend même pas. Le dictateur irakien Saddam Hussein a publié un roman romantique. OK. Qui a donné naissance à une série de télé de 20 épisodes et à une pièce de théâtre musical, un musical. T'es-tu sérieux? Qui s'appelle Zabiba and the King. Z-A-B-I-B-A-H and the King, si vous voulez aller voir la page Facebook. Pendant une visite chez Boeing, les scientifiques soviétiques ont secrètement appliqué un adhésif en dessous de leurs souliers pour ramasser des morceaux de métal qui étaient échappés par terre. Donc, ils se sont mis des collants en dessous de leurs souliers pour ramasser ces morceaux de métal-là pour espionner Boeing. Wow, hein? Si t'es capable de monter dans un... Attends un petit peu. Oui, c'est ça. C'était capable de monter dans un vaisseau spatial qui quitte le cosmodrome Baïkonour au Kazakhstan. On va te demander de pisser sur le pneu d'en arrière. Attends un peu. Non, c'est ça. J'en recommence. OK. J'essaie de l'expliquer correctement. Donc, si tu voles à bord d'un vaisseau spatial qui quitte le cosmodrome Baïkonour au Kazakhstan, OK? Mm-hmm. Tu vas devoir faire pipi sur le pneu en arrière à droite d'un autobus. C'est la tradition là-bas. Ah, mais voyons donc, tu parles de tradition bizarre. Ouais. Lorsque les trains ont été amenés aux États-Unis pour la première fois, plusieurs personnes croyaient que les corps des femmes n'étaient pas supposés aller au-delà de 50 000 à l'heure et que leurs utérus allaient quitter leur corps si on accélérait passé cette vitesse-là. Hein? Mm-hmm. 50 km, comme tout le monde sait ça, évidemment, par cœur, c'est 80,4672. Ben oui. Tout le monde sait ça. Ensuite... Avec une population permanente de moins d'un million de personnes, le Qatar engage des migrants, donc des travailleurs migrants, pour remplir des stades vides dans les Qatar Stars League, les payant $1 par heure pour s'asseoir dans le stade et faire semblant d'avoir du plaisir. Pour donner l'apparence ailleurs dans le monde que leur stade est plein. Ils ont 1 million d'habitants et moins. Hey, c'est terrible. Ils ont de l'argent à acheter par les fenêtres. Ouais, hein? C'est ça. Mm-hmm. C'est surtout ça. Un vol de Paname a crashé, a complètement fait accident et s'est échoué, si on peut dire comme ça, dans le désert de la Syrie, tuant 14 passagers. Deux membres de l'équipage ont survécu. Un des deux était le copilote nommé Gene Roddenberry. Et ça l'a tellement dérangé, ce crash-là, qu'il a arrêté, qu'il est devenu écrivain. Et plus de temps après, a commencé à écrire Star Trek. Hmm. Donc, c'est Gene Roddenberry, à cause d'un accident d'avion, qui a écrit Star Trek. Un autre petit bloc, tiens, on va en faire un autre. Je vais aller par paquet de 5 pour l'instant, tiens, jusqu'à ce qu'on arrive à la prochaine demi-heure. Allons-y avec un Irlandais. En 1954, un Irlandais, après avoir pris une bonne gorgée d'une bouteille de bière, voyait des leprechauns partout. Tu sais, les leprechauns, c'est les petits lutins. OK. Partout. Donc, malheureusement pour lui, c'est que la bouteille de bière, en fait, contenait non pas de la bière, mais un produit chimique industriel hautement poison. Il a réalisé son erreur. Il a bu de l'eau salée et a réussi à faire ressortir le liquide qu'il avait bu. Malheureusement, par contre, il était déjà en état d'ébriété et il était entré dans un coma pendant 36 heures. Lorsqu'il est sorti de son coma, il avait des illusions paranoïaques. Mais là... Ce soir-là, il s'est réveillé dans un état de délirium et... Bref, ça allait vraiment pas bien. Hein? J'en doute pas. Il a commencé à crier. Il y a une petite infirmière de 12 pouces de haut qui est allée la rejoindre. De 12 bien pouces de haut, c'est écrit dans l'article. Le gars lui dit qu'il avait bien peur. Donc, il a essayé de le rassurer. Elle est allée chercher une boisson chaude. Pendant qu'il était parti, d'autres infirmières sont venues à son lit et plus tard ont été suivies par un vrai docteur qui faisait tous 12 pouces de haut, bien sûr. Il dit qu'il les a toutes reconnues. Et puis la seule autre personne qui était de la même grandeur que lui était un patient dans le lit à côté de lui. Il avait terriblement peur de ce qui se passait. Ils ont changé son chandail, lui ont donné une injection. Et le lendemain matin, tout est retourné à sa grandeur habituelle. Et aujourd'hui, on appelle ça, cette condition neurologique et de désorientation s'appelle le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. Oh, donc, ouais. Alice in Wonderland Syndrome ou encore les hallucinations lilliputiennes. Non. Intéressant. C'est très drôle. Dans les années 70, plus de 700 000 pneus tenus ensemble par de l'acier ont été dompés sur la côte de la Floride pour créer pas une barrière, mais un genre d'îlot artificiel. L'acier a plus tard rouillé. Ça a détaché les pneus et ça a causé un désastre environnemental. Ah ouais? Ouais. On était supposé créer un reef, qu'on appelait en anglais. Donc un reef, c'est un récif. Un récif. Les donneurs de sang suédois reçoivent un texto de remerciement lorsqu'ils donnent du sang pour la première fois et reçoivent aussi un message texte à chaque fois que leur sang est utilisé pour aider quelqu'un. Ah, c'est bien ça. J'adore cette idée-là. Très bonne. Les distorsions spatio-temporelles, les distorsions de la mémoire sont régulières, sont communes chez les officiers de police après des fusillades. Un officier a déjà décrit le souvenir de canettes de bière qui flottaient devant son visage, alors que le mot fédéral était inscrit en dessous de cette canette-là. C'était en fait, il lui décrivait des canettes de bière, mais en fait c'était des coquilles de balles de fusil. Ok. Et ce qu'on retrouve par terre après avoir tiré. Donc, c'était l'officier à côté de lui qui avait tiré des balles et c'était écrit « Federal » en dessous. Des balles. Un professeur dans Queens, à New York, a démissionné. OK. Après une enquête qui avait révélé qu'il y avait utilisé 11 journées de maladie pour compétitionner dans des matchs de lutte. C'est quand même drôle. Il a même participé à un match de WWE SmackDown contre Kurt Angle. Son nom était Matt Striker. Il a été signé par la WWE et il vit toujours en ce moment comme commentateur de l'industrie de la lutte. T'es-tu sérieux? En ce moment même, je te jure. Très comique. Ouais, je pense qu'on est bon pour un dernier bloc de 5. Hein? D'accord. On parle de vieux cinéma maintenant. Plusieurs vieux cinémas avaient des cry rooms, des pièces pour pleurer. On pouvait amener ses enfants là-bas lorsqu'ils dérangeaient pendant un visionnement de film. Comme ça, on pouvait continuer de regarder le film et de le savourer tout en ne dérangeant pas les autres dans le cinéma. Le fils de Osama Bin Laden est un résident britannique, même si son visa à l'origine avait été refusé parce qu'il refusait de dire l'adresse permanente de son père. Avant qu'il meure, évidemment. Ouais. Le gouvernement américain a placé de la bière près d'une explosion nucléaire en 1956 pour voir si elle serait toujours buvable après un incident nucléaire. Et la réponse est que oui, elle était toujours buvable. Tu sais, des choses importantes comme ça. George Lucas a construit son empire de Star Wars, valeur 4 millions de dollars, en acceptant un salaire de 125 000 dollars à la place d'un million pour le premier film de Star Wars, mais en gardant le droit de réaliser les suites et tout ce qui est sous licence, donc vendre des jouets, des affiches, des t-shirts, etc. Donc c'est comme ça qu'il a fait son argent. Fabriquer des chapeaux dans le passé, ça a augmenté l'exposition aux vapeurs du mercure, ce qui causait des empoisonnements. Des symptômes, par exemple, des symptômes de vision, donc problème de vision, problème d'ouïe, problème parler et un manque de coordination. Le terme a inspiré « mad as a hatter », donc aussi fou qu'un chapelier. C'est ça, chapelier? Oui. Et aussi, c'est pour ça qu'on appelle Mad Hatter, le personnage dans Alice au Pays des Merveilles. Tu te rappelles de son nom en français? Non, pas du tout. Dans Alice au Pays des Merveilles, on parle bien sûr, évidemment, de... je ne l'ai pas. Je pensais l'avoir. Et je me souviens pas de ça, sérieusement. Attends, je vais essayer de le trouver. Je vais le trouver. Je suis trop curieux pour pas le savoir. Le chapelier fou. Voilà. Mais je l'avais. J'étais proche. Oh, ouais, t'étais proche. Bref, c'est ça. On était exposé à des vapeurs du mercure. Voilà, c'est tout pour cet fait. On retrouve les liens sur assemblagerequis.com pour en savoir plus, même si j'ai pas mal tout dit ce qu'il y avait à dire. On écoute une pièce de la Valérie. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas entendu, celle-là, en quand effet. Même. Donc voici les enseignes au néon. Néon. Néon. Néon. Assemblage requis. Je pensais pas ce soir-là me laisser enivrer par tes mots. J'avais déjà la tête remplie de tracas. Tes mots ont desserré les taux. Tes paroles reviennent et repassent comme un mécanisme. La Valérie et les enseignes au néon à Assemblage Requis. Autour de la pause, un petit peu de son foutu palmarès. Ouh, restez là. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki. Vous êtes à Assemblage Requis, on se l'a dit, 29 février 2016, et c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Maintenant, avec le temps qui nous reste aujourd'hui, on n'a pas de chroniqueur, j'aurais dû en profiter pour amener une de mes nouvelles chroniques là, dont j'arrête pas de parler. Ah, ben oui, tellement. Mais je me sens pas prêt encore. Peut-être plus tard cette semaine. T'es gêné. Je suis gêné un petit peu. Donc, à la place, on va s'apprendre des choses, mais dans un format liste. Ah, OK. C'est le fun, ça, parler d'un seul sujet pendant un bon bout de temps. Donc, voici son foutu palmarès. Son foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, on parle de tatou. Oh! Tania, je sais que t'es fan quand même de tatou. Ouais, quand même. Ouais. Donc, les tatous sont populaires, peut-être aussi populaires que les oreilles percées. Hein? Mm-hmm. Mais en prison, ce qu'on appelle les black and grays, ouais, dans les prisons américaines, c'est très dangereux, les tatous, parce que le processus est illégal. Donc, les prisonniers vont créer leur propre équipement, leur propre encre pour se faire des tatous. Il y a des études qui nous disent qu'il y a une connexion entre les tatous de prison et une plus haute proportion d'hépatite C parmi les prisonniers. Oh. Donc, habituellement, en prison, on va pas retrouver de papillons, de trucs tribales ou de caractères chinois, etc. Mais on a plusieurs autres choses, dont des très connues comme la petite larme. Oui, ben oui, ben oui. Oui, sûrement. Un classique. Le plus connu avec le crime et la prison, la larme peut être soit opaque, donc coloriée à l'intérieur, ou encore pas remplie. Il y a plusieurs histoires sur pourquoi les prisonniers ont ce tatou-là, mais la plus commune est qu'une larme qui n'est pas remplie symbolise la mort d'un être cher. OK. Alors qu'une larme opaque montre que cette mort-là a été... Dans le fond, on a pris la revanche de cette mort-là. Donc, tu as tué quelqu'un d'autre à la suite. À cause de la perte d'un être cher. Selon le FBI, seulement la personne qui porte la larme sait exactement ce que veut dire le tatou. La larme peut aussi représenter la perte de quelqu'un en général, même si c'est pas un être cher. Par exemple, l'ex... la larme de Amy Winehouse ouais. était pour son ex-mari en prison. Ah, OK. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, même s'il n'est pas mort, elle a quand même une larme. Puis même si elle n'est pas en prison. Et voilà. OK. Ensuite, on a une horloge sans aiguille. Ça veut dire passer du temps en prison pour les prisonniers qui sont en prison très, très longtemps. Okay. Il y a plusieurs variations, comme une montre avec pas d'aiguille aussi, ou encore un sablier. Ah, ben oui, le sablier. Et ensuite, une toile d'araignée. On va souvent avoir ça sur le coude. Donc, la toile d'araignée, c'est l'idée d'être pris dans quelque chose. Et aussi le passage du temps, comme une toile d'araignée dans une place qui bouge pas bien, il va avoir. Parce que le temps a passé. Ensuite, une marque de Borstal. C'est un point bleu sur le visage, donc la marque de Borstal. Sinon, Borstal Spot en anglais. C'est donc d'avoir passé du temps à Borstal. C'est le système du Royaume-Uni pour les garçons délinquants créé en 1902. À Borstal offrait éducation, repas et un régimen, donc un peu comme dans l'armée. Mm-hmm. C'est un peu comme ce que les États-Unis ou les Américains appellent la juvie, donc juvénile, mélangé avec un peu d'école militaire. Étant donné que les Borstal ont été abolis au début des années 1980, quelqu'un qui a cette marque-là de nos jours est sûrement une personne qui n'a pas été en prison à Borstal, mais qui veut juste avoir l'air un petit peu plus dur en se tatouant un point bleu sur la face. Ensuite, le ACAB, A-C-A-B, le tatou peut représenter, est représenté en fait par 4 points sur les jointures ou les lettres elles-mêmes A-C-A-B sur les jointures ou ailleurs. L'acronyme veut dire « All coppers are bastards », donc dépendant de la situation, ça peut vouloir dire que tous les policiers sont des bâtards. Coppers are bastards. Ou encore « Always carry a Bible », toujours transporter une Bible. Oui. Ensuite, EWMN. Un acronyme qui n'est pas nécessairement spécifique à la prison. C'est populaire chez les bikers. Donc, c'est Evil, Wicked, Mean, Nasty. OK. Méchant. Pas mal méchant. Méchant ouais, et méchant. Méchant. C'est 3-4 synonymes de méchant. Hein? On va se dire. Ensuite, AB. C'est la personne qui porte un tatou AB. Vous dit que les lettres veulent dire Alice Baker. Okay. C'est le surnom en fait du Aryan Brotherhood. C'est une organisation white supremaciste, donc ceux pour qui la race blanche est la seule et unique supérieure. Bref. Mettons du racisme. Comme du racisme si on veut. D'autres surnoms sont Alice, 1-2, Tip and Brand et The Brand. Donc c'est le tatou AB. Ensuite, 3 points. 3 points, on est dans la liste des tatous de prison et ce qu'ils veulent dire. Mm-hmm. Ce qu'ils veulent dire, donc 3 points. Ce tatou-là peut apparaître sous l'œil ou encore sur une main. Ça peut représenter parmi les latinos soit les trois mots « mi vida loca », donc « ma vie folle » ou encore « la trinité catholique sacrée ». Bénite. Donc, l'anthropologue culturel Margot Demello dit que ces trois points-là peuvent venir du tatou criminel français. On appelle ça la mort aux vaches. Vache voulant dire la police. Ah, ben oui, évidemment. Ah. 5 points. 5 points, là. 5 petits points, là, mettons. 5 petits points qui peuvent avoir différentes définitions, souvent associés avec des prisonniers russes. Un quincunx sur le poignet, donc ça suggère qu'un criminel ou qu'un prisonnier, donc le point du centre entouré par 4 tours de surveillance, donc ce sont les 4 points autour. Un tatou quincunx n'est pas toujours un signe d'être resté en prison, parce qu'en fait, Thomas Edison en avait un sur son avant-bras. Ça peut vouloir dire d'autres choses, mais en gros, en général, 5 points, c'est ce que ça veut dire. Oh. Ensuite, l'autre tatou populaire chez les anciens prisonniers russes est le grin, un genre de sourire en coin, si on veut. Donc, c'est un signe flagrant de manque de respect. Mm-hmm. Donc, c'est souvent, ça montre souvent un leader russe ou soviétique dans une position crue, si on veut. Et ça présume donc que le prisonnier, qui est souvent en prison pour un long moment, se fout complètement des autorités. Donc, on a une figure d'autorité qui fait un petit sourire en coin. C'est ce que ça veut dire. Moins vu, celui-là, non? Ouais, un peu. Et pour terminer, un couteau dans le cou. Ah, OK. Ouais, donc si tu penses que le gars qui a un tatou d'un couteau dans le cou a l'air dangereux, ben t'as probablement raison. Ben tiens-toi loin, premièrement. Exactement. Dans les prisons russes, un symbole comme celui-là montre que la personne qui porte le tatou est un meurtrier et qu'il en est fier. Ah, ben oui. Tu sais, il y a ceux qui... Ouais, c'est ça. pourquoi pas, hein? Donc voilà, c'était une liste de 11 tatous en prison et qu'est-ce qu'ils veulent dire. J'ai envie qu'on change complètement de sujet. Oui, bonne idée. Surtout que la transition est un petit peu maladroite entre les deux, mais des fois peut-être qu'à la cafétéria de la prison, on pourrait te servir un repas comme des nachos. Ah ouais? Donc on va se faire une liste de faits sur la tortilla. C'est la journée nationale de la tortilla, le 24 février dernier. On a célébré ça. Donc la journée nationale de la tortilla. Voici quelques faits et sur l'histoire de ce célèbre craquelin triangulaire, si on veut. Donc, l'inventeur du tortilla était probablement José Martinez de San Antonio, au Texas. Selon le livre Taco USA, Martinez a inventé le masa. C'est de ça que c'est fait, les tortillas. En fait, il s'est retrouvé avec beaucoup trop de masa. Donc, il a décidé de couper ça en morceaux, en triangle, et de faire rôtir ça. Griller ça. Donc, pour faire des croustilles. Bonne idée. Avec, avec l'introduction de la chip tortilla dans la culture moderne, c'est souvent retracé à Rebecca Webb Carenza. À la fin des années 40, elle était présidente de El Zalpape Tortilla Factory à Los Angeles. Elle a eu l'idée de faire frire elle et servir ses tortillas avec des formes, disons, pas correctes, donc des formes incorrectes finalement. C'était pas de la bonne forme que la machine avait produit, donc la machine des fois peut se tromper, faire des mauvaises formes de tortillas, donc elle les faisait frire. Et sa famille a adoré ça lors d'une petite fête familiale, donc elle les a vendues au public pour 10 cents par sac. C'est devenu très populaire et éventuellement la compagnie a commencé à produire des tort chips. C'est comme ça qu'on a commencé à les appeler des Tort Chips. En 1994, le Golden Tortilla Award a fait son début. Ça a été créé pour reconnaître les innovateurs de l'industrie. Et Carenza était parmi les premières récipiendaires. Donc Carenza, dont on vient tout juste de parler. Malheureusement, les prix ont duré seulement une année de plus. Donc 2 ans en tout, en 94 et en 95. Le tortilla doré. Tristesse. Ouais. Les nachos ont été inventés en 1943 par Ignacio Anaya. Donc c'était un maître d'hôtel de Piedro Negras au Mexique. Donc il était un petit peu en difficulté lorsqu'un groupe d'invités est arrivé affamé à son restaurant. Il était sans chef. Il est allé à la cuisine, a commencé à couper des tortillas qu'il a ensuite garni de fromage et de jalapeño. Il a appelé son plat Nachos Especiales. Donc apparemment Nacho était son surnom à monsieur Ignacio Anaya. Ça a du sens. Ignacio, peut-être même Inaccio. Peut-être, ouais. Je sais pas comment on le prononce exactement. Ensuite, Doritos s'est devenu populaire en 1961 grâce à l'intelligence d'un homme nommé Archibald Clark West. West était vice-président du marketing chez Frito-Lay à l'époque. Il a découvert ces croustilles-là alors qu'il était en vacances avec sa famille à Disneyland. Les croustilles étaient des restants d'un restaurant que Frito-Lay commanditait, nommé Casa de Fritos. Et le chef les a assaisonnés avec un mélange spécial d'épices et a vendu ça au public. L'idée n'a pas été très bien accueillie par les supérieurs, mais West a trouvé une façon de ramasser des fonds avec d'autres projets de Frito-Lay pour pouvoir créer un prototype qui éventuellement est devenu un succès. Et Doritos est entré dans le marché national en 1966. Cinq ans après, ça n'a pas été si long, ça. Toujours sur la liste des faits sur la journée nationale des tortillas, Taco Bell a fait ses débuts à Downey, en Californie, en 1962, créé par un homme nommé Glenn Bell, ses clients après... excuse-moi, on va recommencer ça. Créé par un homme, Glenn Bell, dont les clients appelaient son produit enveloppé de tortillas des Tacos. Tacos, T-A-Y-K-O-S. Il y a maintenant plus de 6300 Taco Bell et plusieurs variétés de nachos, tortillas, combinaisons, saveurs, etc. Numéro 7, les tortillas sont toujours sans gluten. Toujours. Ah ouais? Donc quand tu vois sans gluten sur un sac de tortillas, ben c'est Colin, juste un fait évident. Amazon vend 51 marques de tortillas sur son site américain. De la part de Benito's, à 15,59$ par sac, fait à partir de fèves, jusqu'au Santitas, à 2$ par sac. Beaucoup moins cher. L'État du Texas a fait du tortilla chip et de la salsa la collation officielle de l'État en 2003. Clairement. Ben oui. L'idée a été proposée par un groupe d'écoliers d'école primaire qui réalisait que le Texas avait besoin d'une collation d'État pour aller avec son poivron de l'État, qui est le jalapeño, le plat de l'État, qui est le chili, et le fruit d'État, qui est le pamplemousse rose. Ah! Là, ils savent quand même convaincre. Rose. Oh. Les enfants ont contacté leur représentant d'État avec cette idée-là et le reste fait partie de l'histoire. Doritos était la marque de chip tortilla la plus cotée aux États-Unis, la plus vendue en 2015 avec plus de 1,3 milliard de dollars en vente. Tostitos arrive en deuxième place avec des ventes de 601 millions de dollars. Mais même avec ces chiffres-là, les tortillas et les chips tostadas étaient la troisième variété de collation salée la plus vendue aux États-Unis. En fait, les craquelins et les patates chips sont en première et deuxième place, respectivement. Moi, je mettrais dans mon cœur, par contre, tout ce qui est tortillas et tostitos en première place. Moi aussi. Ouais. En 2012, un groupe basé au Minneapolis, Y & Rich Kids, donc ça c'est un groupe de musique, a eu un succès estival viral avec leur chanson Hot Cheetos and Takis. Oh boy! Les Takis sont des chips tortillas roulées et frites qui viennent avec de la en saveurs différentes, donc guacamole, fajita, fuego, salsa brava et nitro. Et je trouve que ça ferait une très bonne pièce. Non, avec laquelle se quitter. J'allais la mettre là, mais je pense qu'on va la mettre à la fin de la chronique. D'accord. Ça aurait plus de sens que de la mettre maintenant. Mais il ne faut pas l'oublier. Non, il ne faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Ensuite, dans le film animé Despicable Me 2, Détestable Moi 2, ou encore en France, Moi Moche et Méchant 2. c'est ça en français? Ouais, c'est vraiment laid. Hein. You! Je sais. Gru a fait tourner des têtes avec son sombrero fabriqué de patates de chips tortilla. C'est un bon petit projet à faire vous-même. Si vous avez une heure, un petit peu de farine et un bol en forme de tête, vous pourriez fabriquer vous-même votre propre version mangeable de ce chapeau sombrero. Ensuite, le maïs bleu, blue corn, une variété spéciale de maïs. T'as déjà vu ces chips-là? Ces fameuses chips mauve bleu, là. Exactement, ce n'est pas du maïs traditionnel. Les tortillas ont moins de... Ah, j'oublie tout le temps le mot starch en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu t'en rappelles par cœur? Non. Starch, c'est de l'amidon. Voilà, j'ai bien la misère avec ce mot-là. Bref, moins d'amidon et 20% plus de protéines que les tortillas de maïs blanc, selon une étude de 2007, voulant dire que leurs croustilles associées sont meilleures pour la santé malgré le processus de friture. Donc quand même, blue corn, ça vous dit d'essayer ça, pourquoi pas? En effet. En septembre 2015, Moe's Southwestern Grill a fait des vagues, a créé le buzz en faisant la promotion de leur journée de la trempette queso, trempette au fromage gratuite, en créant et en mettant en miettes une guitare électrique fabriquée de grosses chip tortillas géantes. Donc une grosse guitare fabriquée en chip. C'était pour célébrer la journée de la salsa au fromage. En 2012, une chaîne de restaurants du Royaume-Uni, Brew's Fair, est entrée dans le livre des records Guinness pour avoir fait cuire la plus grosse croustille tortilla au pays. 110 livres, 32 pieds carrés. Ça a pris plus de 50 heures à fabriquer et ça a été cuit dans un four de 10 pieds de profondeur. T'es-tu sérieux, mon Dieu? Ça dit la plus grosse chip tortilla au pays. Pas plusieurs chips, une seule chip. Et finalement, les chips tortilla, c'est la collation préférée de Jennifer Aniston. Ah ouais? Ah ouais. Et, vous avez ça en commun? Ah, mais ça. Et Kristen Stewart adore la soupe aux tortillas tellement qu'elle a partagé sa recette avec Vogue. La soupe aux tortillas. Soupe aux tortillas. Allons voir un peu les ingrédients. Merci, je papa. Je ne suis point certaine. Donc, tu as besoin de 2 tasses d'huile d'olive, une canne de tomates en dés, un oignon jaune en dés, 2 piments jalapeno, comment dire, chopped, c'est quoi, se couper aminci. Ouais, aminci. 2 poivrons. OK. Aussi, 2 gousses d'ail, 3 tasses de cumin et 4 tasses de bouillon de poulet. Et donc, on va faire bouillir l'huile dans un grand chaudron à chaleur moyenne. On va faire cuire l'ail, l'oignon et le cumin pendant quelques minutes jusqu'à ce que les oignons soient translucides. OK. On va ensuite ajouter d'autres affaires. On va brasser ça, blablabla. On va couper les tortillas en bandes de 2 pouces et on va les faire griller pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elles soient rôties. Et ensuite, on va servir ça dans des bols et avec les condiments. Donc, soupe accompagnée, j'irai plus de tortillas. Wow. Ça va bon. La recette est sur assemblagerequis.com dans le lien de ce palmarès de faits sur les tortillas. Voilà. Et comme j'ai dit tantôt, le succès de 2012, le groupe de Minneapolis, Y & Rich Kids, avec son succès viral estival, Hot Cheetos and Takis, tout de suite, Assemblage Requis. Oh yeah! Yo, yo, yo! Yo, I go by the name of Dane Jones. I'm with my crew, and we gon' show y'all what we be snacking on. You dig? Okay. Hot Cheetos and Takis. Hot Cheetos and Takis. I can't get enough of these Hot Cheetos and Takis. Got my fingers stained red, and I cannot get them off me. You can catch me in my crew eating Hot Cheetos and Takis. Pop. Snack, snack, snack. What you about to get? Ha, you already know. Got like $3 or $4 in a couple wise cents. But to cut me some hot Cheetos and a lemonade prince. Okay. I round around on my bicycle. Round around on my bicycle. Blow up to the studio, cause you know that the kid be melting their microphone. Munching on my Takis like I just don't care. Then I walked up to your girl and she asked me to share. Bow. Yo, I'm hungry, where them Cheetos at? They stay biting like where them mosquitoes at. I'm on point like an elbow, hands red like Elmo. My mama said, have you had enough? I looked and I said, no ma'am, I go ham in the grocery store. Or spend it in Takis, buying it with my allowance, so nobody can stop me. All the kids wanna be him, go crazy when they see him. My mom hit the ATM, cause she know I need them. Hot Cheetos and Takis, hot Cheetos and Takis. That's my favorite snack. Bought them with my own money, I won't give them back. I'ma say slow down, boy, you got the blow. Fill up in the gimbo, you should drive me to the stove. Cheetos and Takis, no one ever stops it. Got an ice flow, I'm super cold. Everybody knows that I'm so dope. I say yes to Takis, and you say no to Cheetos. I can have a man, and you can stick to Fritos. Big 10, need a snack. You better give it to him. I might snap. Like what my finger doing? Yeah, you know what's next. You can't stop me. I hit it with the flex and eat some Takis. Cheetos and Takis. Hot Cheetos and Takis. I can't get enough of them hot Cheetos and Takis. Got my fingers staying red and I cannot get them off me. You can catch me in my coat eating hot Cheetos and Takis. Snack, snack, snack, snack, crunch, snack. Catch me in my coupe, eat a hot Cheetos and Takis. I'm getting snacks on snacks on snacks. Okay. Yeah, I'm eating all them. Better way if you don't know, Jay got skills for a call like Snuckle Bolos. All them Skittles, Starburst, Fritos, and Doritos. Yeah. But nothing can compare to them H.O.T. Cheetos and them Takis. So watch me go hammer with my snack first. And I chew my food, cause you know I got the manners. Bow. And then I start to dance and I jog it to the floor. Yeah. And now I need a snack. Yo, hot Cheetos and Takis, hot Cheetos and Takis. I can't get enough of these hot Cheetos and Takis. Got my fingers staying red and I cannot get them off me. You can catch me in my crew eating hot Cheetos and Takis. Snack, snack, snack, snack, crunch, snack, snack, snack, more. Hot Cheetos and Takis, hot Cheetos and Takis. You can catch me in my crew eating hot Cheetos and Takis. Hot Cheetos and Takis! Why and Rich Kids! On rappelle, les Takis, c'est des chips tortilla roulées et frites. Mm-hmm. En plusieurs saveurs. On rappelle aussi que c'était pas une fille qui chantait, c'est ça? Ben, sauf un petit bout, c'est une fille, mais le reste du temps, c'était pas mal. Des petits garçons prépubères et avant d'avoir mué, je pense. Oui, c'est sûr. Bref, on est dans son petit palmarès et comme on a le temps encore, j'ai pas envie de terminer l'émission avec aussi autant de temps devant nous. Ah... Donc, allons-y avec une petite liste de faits sur les Butterfingers. Les Butterfingers. Est-ce que tu manges des Butterfingers des fois? Qu'est-ce que c'est? C'est une marque de beurre de chocolat avec du beurre d'arachide à l'intérieur. Non. Tellement bon. J'aime pas le beurre d'arachide bien souvent. Ben, c'est ton mal. Moi, j'adore ça. C'est une de mes préférées. Inventée il y a presque 100 ans, la Butterfinger est la seule barre de chocolat qui vient avec son propre avertissement. Hein? Nobody better lay a finger on my Butterfinger. Personne ne peut mettre son doigt sur ma Butterfinger. Ouais. Mm-hmm. Donc, il faut protéger sa barre de chocolat. Ce bonbon qui vaut 123,9 millions de dollars par année. Il est là! Bon, donc, premier fait. Ouais. C'est beaucoup. Le nom a été soumis dans un concours du public. En 1923, Curtis Candy Company cherchait un nom pour sa nouvelle barre de chocolat avec un centre au beurre d'arachide et a décidé de faire un concours pour solliciter le public pour trouver des idées. À ce moment-là, les gens dans le domaine sportif utilisaient le thème Butterfinger pour décrire un joueur qui était incapable de garder le contrôle de la balle. Ah, il avait okay. des doigts de beurre. Donc, un homme de Chicago qui était un petit peu maladroit a soumis le nom et ça a gagné. Et je dois dire que c'est un maudit bon nom. Ben oui. Butterfinger. Butterfinger. Ensuite, l'inventeur de Butterfinger a aussi créé la Baby Ruth. C'est Otto Schnering, le Willy Wonka derrière Curtis Candy, qui a inventé le Butterfinger après avoir créé sa première barre de chocolat, la Baby Ruth. Baby Ruth, c'est avec des arachides à l'intérieur. Beaucoup d'arachides. Ouais. Bref, ça a été acheté par Taylor Brands en 1964 et ensuite vendu à Nestlé en 90. Curtis Candy a été un des plus grands compétiteurs dans la business du bonbon. La recette qu'on a présentement n'est pas la même que celle que Schnering a créée il y a 100 ans, malheureusement. La légende dit que lorsque Curtis Candy a été acquis par, a été acheté par Nabisco en 1981, la recette originale pour Butterfinger et la Baby Ruth ont été perdues. Par contre, les ingénieurs de chocolat chez Nabisco ont réussi à recréer donc une version similaire. J'aime aussi que la première, je regarde les photos, il y a plein de photos sur assemblagerequis.com. La première, ça dit Butterfinger Candy Enriched with Dextrose, donc enrichi de dextrose pour vous donner un petit remontant d'énergie. Alors qu'ensuite, plus tard, ça dit Curtis Crisp Butterfinger Candy Rich in Dextrose, donc riche en dextrose. Alors qu'avant, c'était enrichi de dextrose. Huh. Est-ce qu'il y en avait moins à ce moment-là? On sait pas, c'est bizarre. Les publicités de Butterfinger, c'était la première fois que bien des gens voyaient les personnages qui allaient plus tard devenir les Simpsons. Hein? Oui, avant de devenir très populaire comme aujourd'hui, les Simpsons ont commencé dans une série de courts-métrages dans l'émission de variété The Tracey Ullman Show. Ça, la plupart des fans des Simpsons savent ça, mais à l'époque, Bart, Homer et le reste de la famille étaient les vedettes de populaires publicités pour la barre de chocolat en 1988, une année avant même que l'équipe de Springfield ait sa propre émission de télé. Donc, si vous avez regardé les courts-métrages dans Tracey Ullman, ça ressemblait pas mal aux personnages dans les publicités de Butterfinger. Ça pouvait donner l'impression aussi que si vous regardiez pas l'émission, c'était que les personnages de la publicité avaient eu leur propre émission. Et c'est pas le cas du tout. Ensuite, intéressant, Milhouse a fait sa première apparition dans une publicité de Butterfinger. La publicité a été diffusée en 1988. C'était la deuxième publicité pour cette barre de chocolat qui mettait en vedette les Simpsons. À l'intérieur de cette pub, Bart détaille les quatre groupes alimentaires à Milhouse, donc Sandwich, Vache, ben oui. Jungle et Butterfinger. Alors que Milhouse, qui était réalisait pas, oui, que son dîner, son lunch, ne contenait pas de barre de chocolat. Donc, allons regarder cette publicité-là ensemble, qui est sur assemblagerequis.com, bien sûr. Hey Bart, on est à la cafétéria. Hey Bart, est-ce que tu veux changer ton lunch? Non, jamais, parce que j'ai chacun des quatre groupes alimentaires. Sandwich, vache, c'est le lait, jungle, c'est la banane, et et là, il dit que ça n'existe pas comme groupe alimentaire. Et il a dit oui, absolument, parce qu'à l'intérieur, il y a du beurre d'arachide, du chocolat, essentiel pour la survie. Milhouse dit j'ai pas de Butterfinger. Et là, on dirait que tu vas souffrir de mauvaise nutrition. Butterfinger, c'est neato. C'est bien cool. Donc, pas la meilleure publicité au monde, mais quand même. Ensuite, Butterfinger s'est toujours fié sur une grosse cascade pour faire de la publicité. Une de ses premières façons de rendre la barre de chocolat plus populaire, Butterfinger a laissé tomber des barres de chocolat d'avions, de plusieurs avions en fait, partout au pays en 1923. Une stratégie qu'il avait déjà essayé, Curtis Candy, avec, ben pas il au singulier, mais ils avaient déjà essayé, avec leur Baby Ruth, donc de faire tomber des barres de chocolat d'un avion. À l'époque, ça coûtait... attends un petit peu. 2 for 5 and 1 cent bar. J'avais des bars à 1 cent de Butterfingers à l'époque. Ah ouais. Wow. La compagnie a déjà fait un gros code QR dans un champ du Kansas en 2012 pour faire référence à la fin du monde selon le calendrier Maya. Butterfinger avait lancé sa campagne Barmageddon. Donc il y avait un code QR fonctionnel qui était apparu dans un champ à Manhattan au Kansas. La cascade était accompagnée par un communiqué de presse qui détaillait des histoires, des nouvelles de Butterfingers qui étaient recherchées, introuvables, sur des tablettes de supermarché. Donc tout ça pointait vers la fin des temps et la fin des jours. Donc en 2012. Ensuite, ils ont lancé une blague du poisson d'avril dans les journaux disant que leur barre de chocolat allait changer de nom pour The Finger. Donc le 1er avril 2008, Butterfinger a sorti un communiqué de presse détaillant son changement de nom. Ils ont lancé un nouveau site web. Je vois pas l'adresse sur l'emballage malheureusement, mais bon. Donc c'est une promotion pour le nouveau réseau de comédie sur le site de Yahoo à l'époque. Donc la Nestlé The Finger. Il fallait aller sur Yahoo et chercher The Finger pour en savoir plus. Oui, c'est ça. C'est, le site web, c'était ça. C'est aller sur Yahoo chercher The Finger. Ensuite, on pouvait faire la fête avec Butterfinger. C'était le Butterfinger Buzz. Ça contenait 80 mg de caféine. Donc, presque autant qu'une canette de Red Bull. Mais les ventes étaient très faibles. Donc, ça a mené à une très courte vie pour le Butterfinger Buzz. Et là, comme l'article ne le dit pas, j'ai envie d'écouter la publicité aussi parce que je comprends pas trop ce que ça veut dire. Donc, Butterfinger Buzz Bar. D'accord, ça dit, attention, les cascades dans la vidéo n'ont pas été performées pour vrai. Ce n'est que de la cascade. Donc, on voit les gens manger des barres de chocolat, se raser les cheveux, parce qu'ils sont tellement extrêmes, gars et filles, hein, tout le monde se rase les cheveux, tout le monde est donc, tout le monde tellement jeune. Butterfinger Buzz. Donc, on se tatoue le logo de Butterfinger Buzz sur la tête. Elles sont tellement extrêmes, ça se peut même pas. Donc, le gars fait face à un arbre, il se fait tirer des boules de peinture sur les fesses. OK. Ça dit pas vraiment c'est quoi le produit. Limited edition Butterfinger Buzz. Ah voilà. Caffeine kick of an energy drink, the sweet taste of Butterfinger supplies are limited. Aye, get your buzz on. Donc ben c'est n'importe quoi ça, c'est ben trop extrême comme publicité. Ben je sais pas, cool. Je l'ai pas vu, je l'ai pas ici. Ben je te l'ai décrit quand même bien. Oui, là. Quand même. Donc c'est ça, en gros c'est une barre de chocolat avec le buzz de la caféine, mais le goût sucré d'une Butterfinger. Ensuite, Greenpeace a fait une campagne pour bannir les Butterfingers en Allemagne. En 1999, Nestlé voulait absolument présenter sa barre, amener sa barre de chocolat sur le marché allemand. Par contre, à l'époque, les Butterfingers contenaient du maïs, du sirop de maïs génétiquement modifié, ce qui n'allait pas très bien avec les activistes du pays. Éventuellement, Nestlé a choisi d'abandonner le marché allemand. À la place, ils ont changé les ingrédients de cette barre de chocolat. À la place de changer les ingrédients de la barre de chocolat. Ils auraient pu changer les ingrédients et continuer. Ils ont décidé de juste abandonner le marché. Et finalement, Nestlé est allé vraiment fort pour le lancement de ses Peanut Butter Cups. Tu sais, Butterfinger, ils ont sorti des petits... comment t'appelles ça? Des petites coupes de chocolat, là, genre comme les Reese's. Okay. Des moules là, au chocolat. C'est des moules qu'on appelle. Donc, une variation de la barre de chocolat qui a été amenée. C'est le premier nouveau produit de la compagnie en 5 ans. Bref, et ça avait été développé pendant presque 2 ans. Donc, Nestlé ne s'est pas gêné en présentant ça pour la première fois sur le marché américain. Ils ont acheté la première publicité au Super Bowl de la compagnie en 2014 et ça a bien fonctionné parce que les Peanut Butter Cups de Butterfinger ont attiré quand même des fans assez célèbres. Ah, ça doit. Apparemment. Notre célèbre, c'est quoi? Homophobe, raciste? Non, c'est homophobe, je pense. Hein? Manny Pacquiao, lutteur, boxeur, sportif de gants. Je pense que, ouais. Manny Pacquiao qui a récemment perdu ses plein de commandites parce qu'il est tellement homophobe. C'est lui, hein, ça? Oui, je pense que oui. Ouais. Bref, on va écouter pour terminer cette publicité de Nestlé Butterfinger Peanut Butter Cups du Super Bowl. Donc, on voit deux personnes devant un psychologue, le bar de la chine et le chocolat. Donc, parlez-moi de votre relation. Okay. Well, le chocolat, peanut butter and chocolate. Nut butter and choco. Qui sont beurre d'arachide des chocolats, qui sont. He says when something's good, why change it? Il dit que quand quelque chose est bon, pourquoi le changer? Nobody likes change. Personne n'aime le changement. Personne n'aime le changement. Ou quelque chose d'excitant. What if you were to try something different? Et si vous essayiez quelque chose de différent? La fille dit oui. Et donc, ça dit 2 février 2014, cup therapy, donc la thérapie par le moule. Je la trouve vraiment mauvaise, cette pub-là. Ouais. Pour une publicité de Super Bowl en plus, pas sûr. Voilà, c'est tout pour son foot palmarès. Lien sur assemblagerequis.com et c'est la fin d'assemblagerequis pour aujourd'hui. À peine en retard. À peine. Demain, à l'émission, on va être mardi. Oui. On va avoir une belle petite émission, pas mal plus remplie qu'aujourd'hui. À 8h, on devrait avoir Jimmy Thibodeau et sa chronique sur l'actualité internationale passée sous le radar. Par contre, je ne crois pas qu'on ait Gabriel Béhoud. Ça me surprendrait. La semaine va être touch and go pas mal. On va y aller au cours du jour le jour. Oui. Comme on dit. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, bien sûr, le dîner de con avec Danny Janvier. Ça change pas. Ensuite, en après-midi, ça ne changera pas non plus pour l'émission rock classique avec Alain Lefebvre, en rappel. À 19h, le voyage insolite avec culture rock, cinéma et littérature fantastique. À 20h, Rock de Neuron devrait être là. Les émissions de soir, c'est bien rare qu'il manque l'auto. Ouais. Donc à 20h ce soir. Sinon, les émissions étudiantes, on ne les mentionne pas. Si elles sont là, tant mieux. Sinon, elles seront de retour la semaine prochaine. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. À demain, 6h30. À demain, 6h30. Bye. Bye, bon café.